Bonjour. Je vais lire votre panneau. Il faut être respectable pour être respecté. Finissons ce gouvernement. Ouais. Pardon, alors j'écris ça par rapport à ce qu'a dit la ministre ce matin. Il faut rétablir le respect. Et je me demandais comment elle comptait rétablir le respect à coup de bâton. Ça marchera pas. Je suis éducateur, je sais que ça marche pas comme ça. Donc ce matin, du 18 janvier. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, ils ont répondu qu'à coup de bâton. Et ça nous motive encore plus. Oui. Voilà. Monsieur Macron aussi. Ils ont vraiment beaucoup de chance qu'on soit gentil, quoi. Monsieur Macron aussi, il aime bien dire aux autres qu'ils sont pas polis. Il aime bien nous rappeler souvent à la courtoisie, mais voilà, c'est ça. Eux, c'est pas très courtois ce qu'ils sont en train de faire exactement. À tout le monde. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous. Et ce gouvernement est détestable et pas respectueux, voilà. C'est pour ça que ça m'a paru important de mettre ça sur une petite pancarte. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Bertrand. Merci Bertrand. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.